Dommage, mais tant pis. Si peu à peu je perds la foi, mais je t'interdis de vivre loin de moi, loin de moi. I'm sorry, I make it so hard for you to get close to me. So complicated sometimes. But I love you, I love you. J'avais compris d'ici vers. J'ai connu le froid, j'ai traversé des déserts. Et la vie sans toi, c'est comme un jour sans lumière. Si tu t'en vas, dis-moi, je te viens comme ça. Sans toi dans ma vie, je ne suis pas sûre, j'ai peur de rien prévoir. I never let you, never, never let you, never, never let you go. L'égoïsme est mon seul atout. Together in this you and I, our love will see us through. Si tu n'appartenais qu'à moi, alors je chanterais l'amour. I know in life there's no more for me but you. Un monde où je n'existe pas.